Alors, c'est une traduction de différents courts textes nord-américains du milieu féministe radical anarchiste. Et enfin, on va terminer avec Dylan, qui va nous présenter la revue d'histoire de culture et de lutte des montagnes, qui s'intitule Nunatak. Alors, après ça, après ces quatre petites présentations, on vous parlera des nouveaux arrivages et on fera un petit agenda distro. Et on s'écoute tout de suite Zig Zig Spoutnik, Love Missile, avec un titre complètement évocateur de la culture cyberpunk. C'est parti, Zig Zig Spoutnik. We'll be right back. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Comme des larmes dans la pluie. Extrait du film cultissime Blade Runner de Ridley Scott, qui a inspiré le titre « Des larmes sous la pluie » de Rosa Monteros. Et dans les deux cas, on est clairement dans la veine SF cyberpunk qui s'inspire librement du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick, le grand maître fou de la SF d'anticipation. Mais revenons à Rosa Monteros, qui nous plonge dans un univers futuriste de Madrid en 2109, dans un monde peuplé d'êtres humains et de réplicants. C'est quoi les réplicants ou les REPLs ? Ce sont le fruit de la création des corporations, dans l'idée d'utiliser des êtres techno-humains pour le remplacement des femmes et des hommes dans la production industrielle, dans la guerre, dans le divertissement. On leur implante une mémoire fictive et, à leur grand malheur, leur durée de vie est limitée dans le temps. Ils ont une date de péremption à laquelle l'inéluctable mort les attend. Dans le roman de Rosa Monteros, on suit une réplicante de combat, une certaine Bruna, qui s'est improvisée détective et qui est sur le coup d'une affaire d'histoire de trafic de mémoire qui tournera mal. Je vous en lis un bref extrait. On est donc dans un bar à Madrid en 2109. Certes, le bar était petit. 10 tabourets le long du comptoir et 8 d'autres collés au mur d'en face, sous une maigre étagère d'appui qui courait le long de la cloison. Mais l'endroit avait son succès et dans les moments forts, il pouvait s'entasser là-dedans jusqu'à une trentaine de clients. À présent, cependant, il était à moitié vide. Bruna regarda autour d'elle. Il n'y avait qu'une seule personne qu'elle avait déjà vue ici auparavant. Elle était assise à l'autre bout du comptoir. C'était une femme publicité de Texaco Repsol. Elle portait un uniforme horrible aux couleurs de la firme couronnée d'un bonnet ridicule, et les écrans de sa poitrine et de son dos reproduisaient les stupides messages publicitaires de l'entreprise, dans une boucle sans fin. Normalement, on ne laissait pas les gens publicités entrer dans les bars, parce qu'ils étaient très gênants. Mais Oliar avait le cœur aussi gros que ses gigantesques seins. Il leur permettait de se mettre au fond à condition qu'ils baissent le plus possible le volume de la publicité. Ce qui était généralement très peu. Hélas, car les écrans ne pouvaient pas être réduits au silence ni déconnectés. Il fallait être un pauvre malheureux et n'avoir vraiment pas eu de chance dans la vie pour finir dans un emploi pareil. Les gens publicités ne pouvaient retirer leurs vêtements que 9 heures par jour. Le reste du temps, ils devaient se trouver dans des lieux publics, ce qui signifiait comme ils n'étaient admis dans aucun bar, qu'ils passaient leur journée à errer dans les rues, comme des âmes en panne, avec ces slogans publicitaires assourdissants, perpétuellement dans les oreilles. On leur donnait à peine quelques contraintes. Pour cette torture, ils étaient payés une misère. Mais dans le cas présent avec Texaco Repsol, cette femme devait sans doute avoir aussi l'air respirable gratis. Ce qui était important, car de plus en plus de gens ne pouvaient plus se payer un air respirable et devaient partir s'installer dans des zones polluées de la planète. En réalité, beaucoup auraient tué pour avoir ce travail à la con. Voilà, je vous laisse découvrir la suite, pour ne pas spoiler le livre. Donc je vous dis tout de suite, ça n'a pas été facile au départ de trouver un roman SF qui ne tombe pas dans les clichés, les propos réactionnaires, sexistes ou pas critiques. Parce qu'en général, dans la SF, bon, je ne vais pas non plus complètement généraliser, mais ce n'est pas facile parce que j'en ai testé quelques-uns et vraiment... Souvent, ça reflète les pensées de l'auteur et donc, j'ai dû un peu chercher pour vous proposer ce bouquin. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé dans le style SF cyberpunk, qui existe aussi décliné au cinéma avec des films comme Blade Runner, on a écouté l'extrait, ou Dark City ou Matrix, c'est que on parle de technologie, des avancées technologiques, de cybernétique, des implants qui permettent d'améliorer les performances physiques. Ça parle de réalité virtuelle dans un monde dirigé avec des grandes corpos, des corporations, des corpos militaires, des corpos de l'industrie médicale, du contrôle biopolitique. Et ça fait quand même pas mal penser à des choses qu'on vit indirectement ou... plus ou moins proche de nous. Du coup, c'est un genre, le cyberpunk, qui est, moi, je trouve assez proche du roman noir, qui révèle pas mal de questions sociales, sociétales, qui nous touchent, et où il y a des thématiques, dont la dystopie. Alors, la dystopie, c'est une fiction qui dépeint la société de manière imaginaire, mais où on parle des pouvoir politique, des dirigeants, comment ils exercent leur pouvoir, du monde cybernétique, et tout ça d'un point de vue pas spécialement moral, ou pas spécialement d'un point de vue réactionnaire, mais plutôt critique et plutôt noir. Je vais prendre un exemple. En opposition à ce qu'on appelle dans la SF le heroic fantasy, dont notamment avec... les très connus Star Wars et Seigneur des Anneaux. Et dans Star Wars et Seigneur des Anneaux, on est très clairement dans l'influence de la pré-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale, où les deux auteurs ont une peur de la technologie, des avancées technologiques. Et dans le cas du Seigneur des Anneaux, on est dans un retour à la nature via les arbres qui défendraient les hommes de Sauron, le magicien maléfique, l'industrie des orques maléfiques qui viendraient tout détruire. Et c'est vraiment caractéristique de l'industrie. Et dans Star Wars, l'étoile noire qui représente la technologie suprême et en même temps le fascisme. Et où là, il y a une petite nuance, c'est que... il y a un retour du côté naturel via ce qui est donc les Jedi, pour ceux qui connaissent, et l'Alliance démocratique de la rébellion, qui est une version un peu social-démocrate de l'ASF. Et donc tout ça pour dire quoi ? Mais que l'ASF, c'est aussi le point de vue des auteurs et d'un moment donné de ce que ça produit. Et du coup, voilà, tout ça, bref. Pour vous dire que le genre cyberpunk a sa place à la Pinothèque. Il y a à boire et à manger, mais nous, on va créer un petit rayon SF cyberpunk pour le plus grand plaisir des cyborgs punk queer. Et donc, aux prochaines sorties de la distro, vous pourrez déguster des petites choses. En direct, l'arbre de

Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors, ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous. Croyez-nous, c'est le matin. Le matin, c'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. Ah, la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury a décidé de répondre non. Et comme ils étaient tous allés durs se sont transformés en oiseaux qui se sont mis à chanter l'éternité. À la question, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Il a été répondu non. Vous venez d'écouter Brigitte Fontaine et Areski dans le morceau Patriarcat. Alors ce morceau annonce très très bien, si vous l'avez bien écouté, en fait tous les thèmes de l'ouvrage de Caroline Goldblum, Françoise Daubonne et l'écoféminisme y sont. Alors c'est un ouvrage qui est édité au Passager Clandestin, il a été édité en 2019. Et il s'agit donc ici d'une biographie et d'extraits de texte. Alors, qui est Françoise Daubonne? Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Alors, en fait, elle est née en 1920 à Paris et elle est morte en 1905 à Paris toujours. En fait, c'est une romancière, philosophe, essayiste, biographe, militante féministe libertaire et éco-féministe. Elle est bien connue des milieux homosexuels car, en fait, elle a été cofondatrice avec Guy Hockenheim du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, donc le FAR, en 1971. Et ben en fait, dès 1951, dans son premier essai féministe qui s'appelle Le complexe de Diane, elle met l'accent sur la bisexualité originelle des individus et sur la construction sociale des concepts de virilité et de féminité. Alors, Françoise Daubonne, elle militera aussi beaucoup contre le mariage, qu'elle considère comme étant une institution bourgeoise. Et elle militera aussi contre la psychiatrie, qui, à elle seule, lobotomise les homosexuels et écrabouille les femmes. Alors, au sein du mouvement de libération des femmes, donc le MLF, dont elle fait partie aussi des premières militantes du MLF, elle propose une section écologie et féminisme. En fait, ce qu'elle propose, c'est de relier oppression patriarcale des femmes et destruction capitaliste de la terre. Alors, ce qu'elle dénonce, en fait, c'est la matrice idéologique qui conduit la domination des hommes sur les femmes et sur l'environnement. Donc, elle serait à l'origine du concept d'écoféminisme. Ce mot, en fait, on le trouve pour la première fois dans un de ses ouvrages en 1974, c'est dans son livre « Le féminisme ou la mort ». Alors effectivement, beaucoup critiquent l'écoféminisme, la taxant de mouvement essentialiste, parce qu'on y associerait en fait les valeurs patriarcales dites féminines à celles de la nature. Mais en fait, ce n'est pas du tout le propos de Françoise Daubonne. Et d'ailleurs, avant même les premières critiques, qu'elle voit arriver de loin, parce que les débats entre essentialistes et matérialistes au sein du milieu féministe ont lieu dès le début du mouvement. Donc elle voit vraiment ces critiques arriver très très vite, mais elle se prononce tout de suite à ce propos. Et du coup, ce qu'elle dit et redit, c'est que la femme, comme la nature, sont opprimées par le patriarcat. Donc elle ne dit pas du tout que la femme est comme la nature par essence. Pour elle, le conflit fondamental, en fait, est celui du communisme primitif et du patriarcat, dont les valeurs sont celles, dont les valeurs du patriarcat sont celles de la dominance, de l'agressivité, de la compétitivité, de l'absolutisme. Alors elle, elle appelle aussi l'illimitisme, donc ça c'est aussi un néologisme avec lequel elle vient, l'illimitisme des besoins et de la population. Parce que bon, elle n'est pas néo-malthusienne, donc elle n'est pas pour un contrôle autoritaire des naissances, mais elle est pour quand même une prise de conscience par la femme la manière dont du contrôle des naissances, voilà, mais par la femme elle-même, et donc pas par un contrôle autoritaire venant de l'extérieur. Alors, son point de vue, en fait, va dans ce sens. Il s'agirait pour elle d'un problème de civilisation et non d'un problème de production. En fait, pour elle, c'est en libérant la femme qu'on va libérer la nature. Elle le dit elle-même, l'exploitation et la discrimination des femmes a commencé avec le patriarcat, et c'est encore le patriarcat sous une forme modifiée et avec d'autres stratégies qui perpétuent cette situation. Alors autrefois, les femmes étaient non seulement propriétaires de leur corps, mais aussi des richesses agricoles, et le patriarcat a commencé avec l'appropriation de ces deux sources de richesses, la fertilité et la fécondité. En fait, pour elle, quand les hommes ont découvert qu'ils étaient les pères de leurs enfants, alors qu'ils croyaient en fait que la femme était en rapport avec une espèce de divinité qui la fécondait d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, quand ils ont compris que ces enfants étaient en fait issus de leur propre corps aussi, et qu'ils en étaient aussi à l'origine, ils ont décrété qu'ils étaient les propriétaires de cette fertilité. Cette mainmise en fait des hommes sur la fertilité et sur la fécondité a abouti, selon Françoise Daubonne, au désastre écologique actuel, avec l'inflation démographique d'une part et l'épuisement des sols nourriciers de l'autre. Alors voilà, j'espère que vous me suivez toujours, mais je trouve ça, moi, personnellement, très intéressant d'avoir lu ce bouquin. Alors je vais continuer encore un petit peu. En fait, la soif du profit et la rationalisation ont radicalement changé la donne. Donc l'appropriation de la terre a conduit à l'exploitation des minerais, avec l'épuisement des ressources, l'accumulation de déchets. Et par ailleurs, l'appropriation de la fécondité a conduit à la surpopulation. Encore maintenant, les natalistes exaltent la fécondité, source de main-d'œuvre à bon marché, de consommateurs, de ceux qui payeront les retraites, etc. Donc Françoise Daubonne, elle pose vraiment la question très importante du féminisme, mais l'écologie n'est pas au cœur de sa conception. L'écologie n'est que la conséquence du féminisme. Parce que le capitalisme, qui est pour elle une expression directe du patriarcat, en raison de sa quête, donc en raison de la quête du capitalisme, détruit la planète. Ce qu'elle dit, par exemple, petit extrait, c'est « Depuis plus de 100 ans, le marxisme a envisagé la disparition de la valeur d'échange, base de l'économie mercantile, mais aucun pouvoir marxiste n'a pu y parvenir, parce qu'il est impossible, en patriarcat, de supprimer la marchandise, et impossible, en système marchand, de ne pas dévaster la planète. C'est donc aux femmes, à présent, de reprendre la parole humaine. » Voilà, donc ça c'est un petit extrait pour que vous compreniez un petit peu quel genre de femme c'était. Après Françoise Daubonne, en fait, après Françoise Daubonne, donc, une fois qu'elle expose un petit peu ses bouquins, etc., le féminisme ou la mort et tout ça, bah, en fait, l'écoféminisme commence à s'étendre de manière internationale, et c'est là qu'on va découvrir une grande pluralité d'approches de l'écoféminisme. En deux mots, on peut schématiser deux grands courants. Il y a l'écoféminisme matérialiste ou socio-économique, qui est représenté par quelqu'un dont vous avez peut-être entendu le nom, Vandha Shiva, donc une indienne. En gros, les femmes ne pourront se libérer de l'emprise socio-économique et technologique des hommes que par la révolution sociale. Ça, c'est une référence en fait directe à Françoise Daubonne. Mais à côté de ça, vous trouvez l'écoféminisme spiritualiste qui peut lui-même se diviser en deux pans. Le pan écoféminisme spiritualiste polythéiste ou animiste. Mais vous avez aussi un pan qui est un peu plus connu et qui est le néopaganisme qui est représenté par Starhawk, dont vous avez certainement entendu parler, puisque pas mal de ses ouvrages viennent d'être réédités aux éditions Cambourakis. En fait, Starhawk, ce qu'elle dénonce surtout, c'est le patriarcat monothéiste. Alors, il y a une invitation là-dedans à réinventer et se réapproprier ce qui a été dévalorisé par le patriarcat. Donc, l'ensemble des pratiques et des valeurs socialement considérées comme féminines. Donc, ce n'est pas de l'essentialisme, parce que ce n'est pas le fait qu'il existerait une nature féminine par essence. Ça n'a donc rien à voir, mais bon, on peut comprendre effectivement qu'il y ait des confusions, en fait. Françoise Daubonne, elle a écrit des ouvrages, des articles, mais en fait, elle a aussi ouvert, et ça, c'est un petit hommage, un petit rappel à Titi, c'est qu'elle a aussi écrit des œuvres de science-fiction. En fait, elle a écrit plein de choses différentes, comme par exemple le satellite de l'amande ou encore les bergères de l'apocalypse. Alors, c'est pas du tout cyberpunk, on est d'accord. Donc, elle a écrit ça en 78. C'est un roman ou ce qu'elle appelle une épopée post-apocalyptique, comme elle dit. Alors là, dans ce roman, elle imagine une société nommée Anima, qui est uniquement composée de femmes et qui se reproduisent par ectogénèse. Alors qu'est-ce que l'ectogénèse ? Alors c'est une reproduction qui se fait à l'aide d'utérus artificiels. Bon, on connaît ça déjà, en fait, aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, ça existe déjà. Alors après la disparition des mâles lors d'un terrible affrontement, donc c'est une société qui se retrouve être une société de femmes. Alors elle s'amuse beaucoup hein, dans les deux premières parties de son ouvrage. La troisième partie, je laisse un point d'interrogation, parce que je vous laisserai la découvrir vous-même si vous avez envie d'acheter le livre Les bergères de l'apocalypse. En tout cas, moi j'ai bien envie de le lire à fond. En fait, elle projette simplement dans ce bouquin ses concepts dans des rapports sociaux qui sont imaginés. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous lire un petit extrait des bergères de l'apocalypse. C'est l'extrait qui s'appelle « Groupe de travail, résurrection. Sœurs, femmes de toute la terre, nous sommes le groupe de travail résurrection. Dans l'armée des guerrières de Carlotta, nous vous donnons ici quelques informations. La famine règne à cause de la destruction des sols nourriciers, ce qui a permis au capital et à sa forteresse, les USA, où siège le SMM, de continuer un grenier mondial de céréales qui est devenu le centre du pouvoir. La manipulation des monstres qui naissent prouve d'autre part la folie du choix nucléaire comme énergie de base, surtout du nucléaire de fission. Mais la fusion s'est avérée impossible pour le moment. Nous, les femmes qui ne possédons aucun levier de pouvoir dans les multinationales et qui, seules de l'espèce humaine, n'avons aucune représentante d'aucune race au sommet des possesseurs de sources de production, mais qui constituons la deuxième source mondiale de la richesse planétaire, la reproduction, nous déclarons la guerre au monde mâle, capitaliste et patriarcal, Animus. Ressusciter la Terre est possible en utilisant massivement l'agrobiologie qui épargne l'effort humain et en supprimant la tractorisation meurtrière pour la remplacer par la tractation animale améliorée, en stoppant définitivement l'énergie nucléaire, donc ça c'est le petit point B, hein, en stoppant définitivement l'énergie nucléaire de fission pour la remplacer par des énergies solaires et hydrauliques de base, avec pour force d'appoint future l'énergie nucléaire de fusion et la géothermie. Technique lourde à n'utiliser que modérément, très modérément. Petit point C, en supprimant la partie mâle de l'humanité par le refus de sa production. en utilisant l'ectogénèse qui ne donnera que des filles. Nos soulèvements sont déjà innombrables. Sauvez la planète en péril et sauvez-vous. Rejoignez nos rangs. Signé groupe Résurrection. Alors c'est évident, Françoise Daubonne est une partisane de la contre-violence, ce qu'on peut nommer aujourd'hui terrorisme. Fin des années 70, les luttes antinucléaires s'organisent. Alors je vais vous lire encore un deuxième petit extrait. Je suis désolée, en fait je suis super longue, je me rends compte que je suis super longue, j'espère que je ne vous ennuie pas. Je vous lis encore un petit extrait. Non, et après encore un dernier. La contre-violence, non véritable de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, semble très indiquée comme retournement de l'arme de l'ennemi contre lui-même. Il va de soi que les attentats devraient être considérablement améliorés, ne visant que des points de rupture précis du front ennemi, économisant au maximum les vies humaines des personnes non concernées, n'employant la prise d'otages qu'à bon escient. Et jamais avec n'importe qui, en utilisant les moyens destructifs ou informatifs les plus hautement qualifiés pour supprimer les coupables les plus évidents et instruire le plus grand nombre possible d'abusés du sens de cette guérilla urbaine. Voilà qui remplacerait de façon jouissive les grèves de la faim, les barricades et toute manifestation. Bon, cet extrait-ci, ce n'était pas du tout extrait des Bergères de l'Apocalypse, c'est elle qui le dit dans un article. D'ailleurs, en 1975, elle participe, dans la vie réelle, au dynamitage de la pompe du circuit hydraulique de la centrale Fessenheim en construction en Alsace, dont les revendications se trouvent en page 43 de mon ouvrage que je vais vous lire. Le sabotage est revendiqué par un énigmatique commando, Puig Antich Ulrich Meinhof, qui signe un communiqué publié par Libération et La Gueule Ouverte, dont les dernières lignes ont des accents quelque peu dauboniens. Qu'ils soient des femmes, des enfants du tiers-monde ou du prolétariat, le combat se doit d'être total. Rappelons que les femmes sont à l'avant-garde du refus nucléaire, qui n'est autre que le dernier mot de cette société bâtie sans elles et contre elles. Pour Françoise Daubonne, l'écoféminisme, autant qu'une théorie, est un outil de revendication sociale et politique. En fait, effectivement, elle est proche, à cette époque, des groupes Action Directe et de la RAF, donc la fraction armée révolutionnaire, en Allemagne, où elle s'insurge contre la mort d'Ulrich Meinhof. À cette époque-là, d'ailleurs, elle écrit un article « Hurle, Ulrich, hurle ». Dans la revue Sorcière de 1976. En fait, Françoise Daubonne, elle s'est investie dans plein de luttes, et cette diversité, peut-être, nuit à la compréhension du personnage, mais d'autres facteurs expliquent aussi la disparition de Françoise Daubonne de la mémoire collective. En fait, elle est vraisemblablement dans l'ombre de ses brillantes aînées, comme Simone de Beauvoir. Mais aussi ses points de vue extrémistes l'ont clairement isolée du débat démocratique et universitaire. Bon, maintenant je vais vous lâcher, et avant de retrouver Titi et Diti, je vous propose de faire un petit tour de piste entre filles avec les Honeymoon Killers. Laisse tomber les filles. Let's go. donc, moi, je vais vous parler de Dangerous Space, résistance par la violence, autodéfense et lutte insurrectionnelle contre le genre, traduction, notes et compléments. Et donc, j'ai trouvé cette brochure très intéressante, très radicale par ailleurs. Et si vous brûlez d'impatience pour la lire, elle est dispo sur infokiosque.net. Donc, c'est une brochure qui comprend une vingtaine de textes. Il y a des textes un petit peu plus longs. Il y a la fin de la brochure, c'est plutôt des tracts et des communiqués suite à des actions du milieu anarchiste féministe queer trans US des années 2000. Alors, les thématiques abordées, notamment dans les deux ou trois premiers articles, c'est les pratiques de la médiation lorsqu'il y a agression, abus, viol des hommes envers les femmes, les trans, et sur l'inefficacité et l'impuissance totale des pratiques médiatrices dans ce rapport de force. Et donc, c'est à cause de la triangulation, des intermédiaires, des nouveaux langages. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, et ce qui fait toute la légitimité des propos de l'autrice et la traductrice également, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu, ou c'est des gens qui ont vécu tous ces processus de médiation dans le milieu, on va dire, anarchiste, radical aux États-Unis. Et donc, leur conclusion, c'est que tout ça, ça ne sert pas à grand-chose à part faire la catharsis. Je résume, hein, mais c'est plus subtil que ça. Et du coup, ça vient à poser la question de se dire la médiation, ce n'est pas utile. Au contraire, ça noie le poisson quand il y a violence ou quand il y a conflit. Et du coup, ça met en avant des pratiques d'ordre violente, de vengeance, par rapport à des cas précis. Et donc là, il y a une série de tracts d'action par rapport à des gars qui ont violé des femmes, et du coup, où il y a des groupes queer, des groupes féministes qui organisent une vengeance en bonne et due forme, à coup de poing, à coup de batte, et avec des petites explications rapides. Mais du coup, moi, je trouve que malgré le fait que ça pourrait paraître vite balancé, en fait, ça pose quand même toute une série de questions que souvent, effectivement, les pratiques médiatrices sont dans une noyade du problème et où on est mis en avant la pratique de l'autodéfense. Et voilà. Donc, je ne vais pas la faire longue, je ne vais pas vous lire le truc. Vous n'avez qu'à aller sur InfoKiosque ou venir à la Distro La Pinothèque, vous procurer Dangerous Space, résistance par la violence, autodéfense et lutte insurrectionnelle contre le genre. Avec aussi toute la série de tracts qui se trouvent à la fin de la brochure, avec différents collectifs, dont les abeilles tueuses ou quelques travelots vénères avec des couteaux. Voilà. Je vous invite donc à découvrir tout ça. Et pour illustrer ça, on va s'écouter un petit morceau de Anine Elias des Atari Teenage Riot, ex-chanteuse des Atari Teenage Riot, groupe berlinois radical dans le milieu autonome. Et on s'écoute le morceau War Extreme. One, two, one, two. Check, check, check. Let's go. Let's go. AGM, 84D, missiles. Stealth, pilot, Apache attack. Helicopters, GBU, 28. Bunker, Buster. AGM, 65, Maverick. Tanks, landmines. Baby, look to us like the head of the head. What you gonna do if the sky turns into red? War against terror, where have you been? Togetherness behind the screen. Meditation, mount together. Et salut, moi je vais vous présenter donc Nunatak, une revue d'histoire, culture et lutte des montagnes. La rédaction elle vient des Alpes, des Pyrénées, des Vosges et aussi d'autres montagnes. En Inuit, Nunatak désigne une montagne qui s'élève au-dessus des étendues gelées où se réfugie la vie pour perdurer pendant l'ère glaciale. C'est une revue qui est née autour de l'envie de faire écho à la revue italienne du même nom, qui s'appelle aussi Nunatak. Et d'ailleurs, parfois, certains textes sont traduits de l'italien, mais les rédactions sont indépendantes l'une de l'autre. L'idée de la revue, c'est de partir de la montagne, qui permet un certain recul. De par ses difficultés d'accès, la montagne est aussi un espace qui est plus compliqué à contrôler. Et du coup, de là, tout un imaginaire entoure cet espace. Terre d'insoumission et d'hérésie, au lieu des bandits et contrebandiers, espace de résistance et d'autonomie. Bon, les auteurs, ils sont bien conscients qu'il n'y a pas d'en dehors, pas d'oasis d'autonomie qui fonctionnerait en dehors des rapports d'exploitation. Mais comme je disais, il y a quand même certains espaces qui n'ont pas été complètement dévastés et qui permettent un certain recul. La revue, elle propose de pousser ces contradictions en racontant des histoires de révolte, de désertion passée et actuelle, individuelle et collective, spécifiques à ces zones géographiques. Je vous lis un passage de la présentation aussi par rapport à la réappropriation, entre guillemets, des savoir-faire, etc. Nous souhaitons enfin aussi nous pencher sur les pratiques, les savoir-faire, des formes d'organisation différentes afin de tenter de nous les réapproprier, pour leurs usages et non leurs valeurs marchandes. Nombre de ces mêmes pratiques ont été récupérées, muséifiées, en tant que concept marketing, label biologique, tourisme, patrimoine. Nous ne voulons pas laisser aux traditionnalistes et aux musées, aux identitaires et aux chauvins, aux réformistes et autres réactionnaires, les interprétations de l'histoire. Il ne s'agit pas pour nous de trouver dans les cultures du passé un idéal à atteindre. Nous sommes convaincus que s'opposer à l'idéologie du progrès ne signifie pas un retour en arrière. Ce n'était pas mieux avant. De quels éléments de notre histoire pouvons-nous alors nous emparer pour imaginer et concevoir des perspectives radicalement autres ? Voilà pour le positionnement un peu politique de la revue. Et au programme de la revue numéro 5, qui donc c'est le hiver-printemps 2019-2020, que vous pouvez trouver dans la Lapinothèque, la revue numéro 5, eh ben, y a un article sur le loup, son histoire, les croyances des communautés humaines qui entourent le loup. Et cet article, il raconte comment le loup, il a d'abord été traqué, abattu et ensuite exterminé. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que l'article revient sur les motivations politiques qui ont été mises en place au 19e siècle pour exterminer complètement le loup, quoi. Il y a un autre article qui présente la revue Transhumance. Transhumance, c'est une revue qui a été diffusée de 78 à 90 dans le Briançonnais et qui est créée à la base par des travailleurs saisonniers qui partent de leur situation de travailleurs occasionnels pour faire un peu d'agitation dans la montagne, quoi. Et donc, c'est une rencontre avec René Sistrunk, qui est rédacteur et cheville ouvrière de la revue. Transhumance s'est muté aussi en maison d'édition par après. Il y a encore un autre article sur la catastrophe du barrage de Gleno, en Lombardie, dans la province de Bergame, en Italie. Ça, c'est une traduction de la revue justement italienne Nunatak, du même nom, quoi. Et c'est l'histoire d'un barrage qui s'est effondré en 1923. Et selon la presse, il y a eu toute une manipulation par la presse et politiciens pour dire que ce seraient les méchants anarchistes qui auraient commis un attentat pour faire effondrer le barrage, alors qu'en fait, les patrons essayaient de s'en mettre plein les poches en utilisant des mauvais matériaux, en mettant à fond la pression sur les ouvriers et les ouvrières, en n'utilisant pas les bonnes quantités de sable pour faire du béton, etc. Et je présente encore brièvement un dernier article qui fait une belle critique du tourisme par l'Office de l'antitourisme, qui s'est créé à la ZAD de Roibon et qui aborde les ravages du tourisme, son lien avec la société capitaliste, avec le rythme du travail, des loisirs, de la société de consommation, du divertissement, et encore d'autres articles. Mais pour se contextualiser ça, on va s'écouter Développement durable de Faux Départ. Passez vos nuisances à la machine en communiquant, et vous verrez que malgré votre noirceur d'origine, vous serez tout blanc. Parce qu'on peut avoir avec un peu de culot des apparences. C'est la lessive Nicolas Hulot. Quelle chance! Ha, ha. Vous êtes PDG et tentez d'ériger pour vos grands projets une belle stratégie. Vous voulez des marges, améliorer votre image et chercher un message qui pourrait faire magie. Vous avez de la thune à mettre dans de la pub pour réussir à entuber votre public. Vous êtes prêt à tout, mentir comme un fou, peu importe les coûts, alors voici votre réplique. Le D&D. Développement durable. Le D&D. Développement durable. Une boîte de com pour des mensonges énormes sur votre bilan carbone et votre empreinte écologique. Prenez des engagements sur 10 ou 20 ans, des paroles dans le vent bien pathétiques. Trouvez un parrain vous soutenant, personnage important, Artus Bertrand ou un autre bouffon. Diffusez des photos de vous en vélo avec un coquelicot, une ampoule basse consommation. Peau, lui est de plus belle, faites plus, lulez vos poubelles. Tous vos labels vous dispenseront de vous confesser. HQE, ISO, éco-certifié, même votre connerie pourra être carbone compensée. Humanitaire, c'est immunitaire, alors financez un puits dans le désert ou une éolienne au Bangladesh. Mais ne changez que dalle, surtout pas votre soif de chacal, car enrobé de cet idéal, vos profits vont monter en flèche. Le D&D. Développement durable. Le D&D. Développement durable. Le D&D. Développement durable. Le D&D. Développement durable. Vous êtes dans la socio-urbaniste ou un télo et cherchez un créneau pour un boulot rentable. Vous êtes promoteur, élu ou dictateur et cherchez une gageure pour que vos méfaits soient durables. Vous faites un tintouin autour des petits riens, des gestes quotidiens qui laveraient vos péchés. Pour vous disculper de vos responsabilités, mais c'est dans les autorités qu'il faut faire le tri des déchets. Vous êtes en système un peu à la peine et cherchez une aubaine pour continuer vos travers. Vous voulez persuader que vous pourrez perdurer, vous pérenniser en peignant le gris en vert. L'écologie technicienne sur toutes les ondes hertziennes et la prose politicienne à coups de burin. Plus qu'en piège à con qu'en attrape couillon, voici la nouvelle religion du siècle 21, le TND. Et on vous parle des nouveaux arrivages de la distro Lapinothèque. Donc, sans être exhaustif, il y a le tout nouveau Chéri Bibi numéro 11 qui vient de sortir avec 132 pages de couture populaire disponible. Il en reste très peu d'exemplaires. Je pense qu'il reste 2 exemplaires. C'est parti comme des petits pains. Et donc, c'est la culture populaire underground par excellence avec le grand maître Daniel qui prépare ça avec soin, de la musique, des films, de la littérature. Et là, il y a une thématique pirate et femme qui est bien présente, donc ça vaut la peine, avec une interview exclusive que j'ai faite avec Daniel, qui sera normalement diffusée dans le courant du mois d'octobre sur Tranche d'Anard. Donc soyez attentifs et attentifs. C'est super intéressant parce que c'est pas du tout formaté. Du coup, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Ensuite, on a plein de nouveaux arrivages chez Niet Edition. Donc, n'hésitez pas à venir voir la prochaine sortie de la Pinothèque et des sorties aussi, des arrivages de l'Insomniac à gogo. Donc, faites-vous plaisir. Et on a également un truc qu'on n'a pas trop discuté ces derniers temps. C'est une compile qui s'appelle La beauté dans la rue. Une compile complètement fait main avec un CD, je ne vais pas dire gravé à la disqueuse, mais presque, avec un badge, La beauté dans la rue. Une petite explication, c'est une compile de soutien contre la répression policière en France qui fait suite au mouvement Gilets jaunes et encore par la suite. Et elle est en vente à la Distro Lapinothèque au prix de 6 euros. Alors c'est du fait main avec du carton vraiment à l'ancienne. Donc on va s'écouter d'ailleurs un petit morceau de rappeur Serna, NRBC. Donc la compile, La beauté dans la rue contre la répression policière en France, au prix de 6 euros à la Distro Lapinothèque, tout de suite Serna. Yeah. Serna. Yeah. Zay. Ce monde pue le poulet à la testostérone, hein. Les gars du service d'or tournent à l'astéroïde. Ils ont choisi leur drogue. De tout petit garçon tellement fiers d'être des hommes. Fais du sport, y'aura toujours plus fort. J'préfère une vie de schlac à mensonge héroïque, hein. À nous les têtes dures et fragiles, paix tes amis, l'ivresse de la fatigue, l'odeur de la famine, au final que la famille. J'te l'ai dit, on se fait pas que des ennemis dans la panique. Allez, pas d'histoire, on s'en remet pas. On mange de la violence et on en prépare. On aime pas la bague, on emporte les traces. Tout cassé, on veut tous s'écarter. Ni les bras armés, ni les têtes pensantes. Surtout pas d'avant-garde, hein. Fuck demain, si tout est niqué, rien n'est perdu d'avance, hein. On a compris à force, nos désirs font des ordres. Nos désirs font des ordres. On déborde, on s'emporte à se planter dans le décor. À crever d'overdose, ça peut pas être pire, du plaisir nous dévore. Si peu rien nous étonne, hein. On a plus tant de retard, on évite tant de regard. La regarde nous escorte, on n'est pas des plus forts, ça non. On a perdu souvent, personne pensait son heure, personne voulait son sort. On a choisi notre camp, on veut le faire ensemble, quitte à finir solo. Sur Polo, leur crachant, former nos logos. On veut le faire ensemble, hein, quitte à finir solo. Si l'enverser les autres et que ça part à volo. Fuck la meute, on finira tout seul, à part au moment où ça part en émeute. La gazeuse peint les vœux. Dans l'ambiance, on attend le concret. Rendez-nous tous à 10 contre 1. Vous affichez complet. Mais on peut pas se compter. Pas que le silence qu'on attend de briser. Embrouille vos sous, c'est le monde ou rien. On connaît le projet NRBC. On tend l'ambiance, on attend le concret. Rendez-nous tous à 10 contre 1. Vous affichez complet. mais on peut pas se compter. Pas que le silence qu'on attend de briser. Un brûle ressous, c'est le monde ou rien. On connaît le projet MRBC. Pas très bien dans ma peau, je serai pas mieux dans la vôtre. Les vertiges de la haute, on maraude dans vos yeux, dans la fraude et la dope. Du crépuscule à l'aube, mate l'aurore, faire faute à la mort. On va brûler la morgue, hein. On sait plus qu'on est môme. Que vos hôpitaux sont des funérariums. La vie on en demande tout de suite et maintenant. Avant d'être en quatre planches, on aura le temps de s'entendre. Rien à craindre, à tout prendre. Matin, globe dans le zoo, attendre le client ou une dose, c'est la même finalement. Coincé trop tôt, jamais synchro. On va la jouer dissonant, que veux-tu qu'on compose avec ce monde. Soit on a l'exploit, personne ne sauvera personne, hein. Tant que vous aurez le pouvoir, ni parti, ni drapeau, ni permis, ni patron. Notre patrie, c'est partout. On veut plus s'emmerder à taffer, ni nervi, ni larbant. La patience est à bout, nos moyens sont nos fins. Faut ce qu'on sait du passé, ni oubli, ni pardon. Ni oubli, ni pardon, car vos guerres font nos morts. Oui, vos guerres font nos morts. La faucheuse a des ordres. On apprend de vos erreurs, on sera casseurs-cueilleurs. Fait de bruit, d'odeur, on pense qu'on suit plus les mots d'ordre des leaders. Vous pouvez pleurer les familles des vitrines. Syndrome titanique, hein. Nos états font cale. On a piégé le navire. On a piégé, on a piégé, on a piégé le navire. On tend l'ambiance, on attend le contraire. Rendez-nous tous à 10 contre 1. Vous affichez complet. On peut pas se compter. Pas que le silence qu'on attend de briser. En bruit vos sous, c'est le monde ou rien. On connaît le projet NRBC. On tend l'ambiance, on attend le concret. Rendez-nous tous à 10 contre 1. Vous affichez complet. Mais on peut pas se compter. Pas que le silence qu'on attend de briser. En bruit vos sous, c'est le monde ou rien. On connaît le projet NRBC. NRBC. NRBC, Serna, NRBC, NRBC. Et donc c'est l'agenda des distros. Alors la prochaine sortie de la distro La Pinothèque, c'est le 11 octobre 2020. Notez bien le 11 octobre 2020 au magasin 4 pour le salon des distros. C'est-à-dire qu'il y aura plein de distros de par-ci, de par-là, notamment Amer. Avec la revue Amère, mais plein d'autres, à Rage et autres, ça vaut la peine de vous déplacer, surtout que bon, le magasin 4, ça fait longtemps que vous n'y avez pas foulé les pieds. Donc venez le 11 octobre au Salon des Distros au magasin 4. À quelle heure? Bah, ça te regarde sur le blog, je pense que c'est... Oui, c'est l'après-midi, c'est l'après-midi. Alors une autre sortie de la Distro La Pinothèque, mais avant une petite mise en contexte. Donc, je vais vous parler du procès en appel qui vise à réprimer les luttes anarchistes et anti-autoritaires. Pour rappel, il y a eu une grosse enquête qui s'étale de 2008 à 2014 et qui visait à réprimer les luttes contre les centres fermés, contre les prisons, contre les frontières. Dans le collimateur de l'État, la bibliothèque anarchiste Akrata, des publications telles que Hors Service, La Cavale, Tout doit partir, Brique par brique... Éclat de liberté, qui revient sur la lutte contre le caricole, que Titi avait présenté dans une autre émission, me semble-t-il. Et aussi des dizaines de tracts d'affiches, des actions, enfin bref. Comme la justice n'a pas trouvé grand-chose avec ces tonnes d'heures de surveillance, d'écoute, etc., c'était et c'est encore sous l'inculpation d'associations de malfaiteurs que sont poursuivis les 12 compagnons. Et donc en avril 2019, il y a eu le procès et le verdict était l'irrecevabilité des poursuites, donc l'acquittement. Mais, en mai 2019, le procureur a fait appel et l'audience aura lieu la semaine prochaine, jeudi 8 et vendredi 9 octobre. Par rapport à ça, deux choses. Pour les personnes qui veulent se tenir au courant, démontrer leur solidarité, être là d'une manière ou d'une autre par rapport aux compagnons... aux 12 compagnons poursuivis, il y aura un point info les deux jours du procès, donc jeudi et vendredi prochain, à 20h à Akrata, 32 rue de la Grande Île, 1000 Bruxelles. Autre chose où il y aura donc la Lapinothèque, c'est le vendredi 16 octobre à 19h à la FLAC. C'est une soirée de soutien qui est intitulée « Retour sur les luttes anarchistes et anti-autoritaires ». L'idée, c'est de revenir sur les luttes de cette époque-là, donc d'il y a plus ou moins 10 ans, en dehors de l'agenda judiciaire, pour Donc des luttes qui s'attaquaient aux enfermés, aux frontières, aux prisons, à la bourgeoisie, aux institutions européennes, avec un positionnement radical par rapport à l'État et avec des perspectives révolutionnaires. C'est une discussion pour raconter ces luttes-là en partant de certaines publications de l'époque et tenter de faire lien avec les dynamiques anti-autoritaires et anarchistes aujourd'hui. Voilà, bienvenue aussi pour la soirée. Il y aura la distro La Pinothèque. Donc vendredi 16 octobre à 19h à La Flaque. La Flaque, c'est au 22 rue des Orchidées à Anderlecht. Alors, on vous rappelle aussi l'adresse mail de la Pinothèque. C'est lapinothèque@rise.net, ainsi que le blog de la Pinothèque, mais qui se trouve sur l'ancien blog des Lapins Électriques. Donc, voilà, c'est sur le blog des Lapins Électriques. Les Lapins Électriques, blogspot.com. Voilà. Et en fait, vous trouverez là-dessus tous les podcasts, mais avec une petite description de chaque émission. Mais tous les podcasts, vous les trouverez aussi sur, évidemment, le blog de Tranche d'Anard. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour la distro La Pinothèque, le 28 octobre à 20h30, mercredi 28 octobre, sur Radio Air Libre. Et on vous dit... Salut les loups. Salut. Salut. À tout bientôt. Quoi de neuf, docteur ? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. Vous étiez à l'écoute de la Bistro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro La Pinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons.